بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام ورحمة الله وبركاته عندك يا سامي بارك الله فيك أمس أخذنا قاعدة قلنا بارك الله فيك إذا دخلت الهمزة الاستفهام على ألف واللام نعم c'est que quand le hamzat istifham elle est suivie d'un alif walam et ben ce qui se passe c'est qu'on prolonge le alif istifham نعم مدات الهمزه مدات الهمزه نعم نعم مثال يا محمد البحار وجمع البحر très bien او المدرس قال لك هذا احسنت طيب عندك كم كاين تودعود مما خلق الله الإنسان مما يسي يعني غاقل سلكال تبالي لا ما قلنا ظرف مكان مما سيبان ظرف Celui qui peut dire en arabe, qui dit en arabe. يجب حذف الألف. مما وإذا ماذا عندنا؟ Un autre exemple. لما. بما. C'est bien, c'était Amma qu'il fallait dire. Ah, comme ça, très bien, barakallahu fik. Alladhi, ça s'appelle comment ? Ismul Mansoul. Ou Alladhi yustamal liman ? Pour qui on l'utilise pour qui ? Mufrad Mudhakkar. Taïb, on a cité une règle par rapport à Alladhi. سيدة الأخاء سندرس داود لا يوم بعد يوم طيب parce qu'après les frères certaines leçons ont des ارتباطs certaines non طيب بارك الله فيكم عندك يا même question voilà même question on avait dit qu'il fallait qu'on sache de quoi on parle toi non la personne à qui je à qui vous parlez طيب c'est à dire entre toi quand tu parles à une personne Il faut que cette personne-là, elle sache de quoi tu parles. Hein? Un exemple, hein, Sami. Très bien, Abdelkarim. Avec Al-Ladhi. Ishtaraytu. Ishtaraytu al-kitab al-ladhi. Ishtaraytu al-kitab. Ishtaraytu al-kitab, n'am. Al-ladhi ra'aytu. Là, tu parles à un frère qui est face à toi. Regarde bien comment tu t'exprimes. طيب اشتريت الكتاب الذي آه نعم الذي رأيتنا لا لا tu parles un frère الذي رأيت et après il a vu quoi رأيته en parlant du livre نعم هذا tout à fait une erreur par rapport à المفعول به نعم طيب الفعل الذي رأيته في المكتبة أحسنت un exemple au féminin يا Même exemple, mais tu mets quoi un truc féminin L'ourt, l'ati, j'ai amis, mouchtahid, très bien. Hassan, barakallahu fik. T'as compris ça, Daoud C'est bon si je te dis par exemple, Al-akh alladhi ja ams min America, là, Al-akh alladhi min America qad ja. Et toi, tu sais pas c'est qui ce frère Non, c'est pas bon, Hassan. T'as بارك الله فيك الذي سي كوا سون بلوريال الذين اللاتي سون بلوريال اللاتي تري بيان رفع tu peux le mettre dans une phrase ايمن الرجل رفع الكتاب le mieux verbe sujet فعل فاعل ومفعول رفع الرجل الكتاب تري بيان احسنت apprenez ça Parce que ça, vous verrez ça plus tard, Inch'Allah, les divergences par rapport à ces trucs. Mais sinon, maintenant, à partir de maintenant, essayez de vous entraîner à dire fi'l, fa'il, mef'ul bi, hada wal asl. À la base, dans la langue arabe, verbe, sujet, puis mef'ul bi. Et plus tard, vous verrez des choses. Est-ce qu'on a le droit de mettre le mef'ul bi avant le verbe et le sujet? Est-ce que le sujet a le droit d'être après le mef'ul bi? Mais fomada, inshallah, ça vous le verrez. De temps en temps, ça peut être obligé. De temps en temps, c'est pas obligé. طيب بارك الله فيك رفع تيديكوا الرجل الكتاب أحسن بارك الله فيك خلق خلق الله الإنسان très bien عاد عاد الرجل من مكة très bien الجد رأيت جدي في مسجد طيب qu'est-ce qui se passe question. Ah, j'ai pas fait attention, Allah. Pour moi, après, ça, vous connaissez Makka, tout ça. Barakallahu fik. Répète. Ada Rajulu min Makkata. Très bien. Ada Rajul min Makka. Barakallahu fik, Allah. Faites attention. Et toi, tu nous as dit Raïtu Jeddi fil Masjid. Mais faites attention, hein. Si tu prononces pas des fois l'âme, c'est masjidin. T'as vu? Le masjid. T'as vu? Mimma. Mimma, khalaq Allah, l'insan. Très bien. T'as vu? Bima. Comment? Bima tufakir. Bima tufakir. Ou. Si nous avons mis Bima Katelta. Bima te fait cœur, Allah, parce que c'est bon ça. Oh Bima Katelta, Al-Kel, Bila Akhir, Taïb. Lima. Lima. Kharajtu. Kharajte. Lima Kharajta, avec nous salam. Très bien. Ou Amma. Amma. Amma Wada. Amma Wadahta. Là. Sur quoi tu t'entends? Sur quoi? Sur quoi? Taïb? Comment on dit une liste? Qa'ima, qawa'im. Très bien. Qa'imatun, qawa'im. Lien, liaison. Ilaqatun. Barakallahu fik. Taïb, ilaqat. Être présent. Hadara. Sonner. Ranna. Sans signification. L'argile. Très bien. Le feu. Un instant, un moment. Très bien. Sonnette. Ajras. Non. Plusieurs. Aïdatoun. Créer. Très bien. Élever ou lever. Très bien. Comment on peut traduire Al-Ladhi, ya Mohamed? Sur quoi on s'interroge? Non, Al-Ladhi, Al-Ladhi. C'est-à-dire, les mots sont traduits comment? On avait dit quoi? Lequel, hein? Par exemple, Al-Walad Al-Ladhi Kharaja. Ou Al-Ladhi Ja'a. C'est lui qui est venu. Il faut? Barakallahu fikoum. طيب بسم الله عبد الكريم شو جاك جوز طيب بسم الله الدرس العاشر بسم الله سامي وزيلي avoir autant tout le monde profite. ذهب زكريا لزيارتي لزيارتي لزيارتي حامد بعد صلاة الفجر ولكنه ما وجداه لا فما وجداه ما وجده وما جده في البيت فقال ابن لا لابنه موسى لابنه موسى أين أبوك نعم ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ولكنه ما وجده في البيت فقال لابن موسى أين أبوك؟ ذهب إلى السوق. Très bien. أي ذهب إلى السوق كل يوم؟ كل يوم نعم. نعم يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. نعم. متى يرجع من السوق؟ متى يرجع من السوق؟ أيرجع؟ أيرجع لا يرجع. أيرجع في ساعة الثانية. كنت تجي أيرجع يا با أيا. يرجع في ساعة في ساعة السابعة وأحيانا في ساعة الثامنة. خبيا يرجع في الساعة السابعة وأحيانا في الساعة الثامنة. ماذا يفعل في بيته؟ يقرأ صحفا. يقرأ سي كي لي سي سون بير طيب اي لي كوا الصحف تري بيان هذا يقرأ الصحف ويسمع الاخبار من الاذاعه نورمال سا ان شاء الله سي نفوت vous devez plus faire à partir du moment où le فاعل il a accroché à quoi au فعل où il est sous-entendu automatiquement derrière c'est du مرفوع منصوب هذا هو طيب أبار أبخي بلتار سي سي جملة حالية تدبي مرفوع طيب أقول تجي ذهبت مي با مرفوع سي با بوسيب داير مفهوم أو قرأت أو أكلت أوتوماتيك مو يكوا داير دي منصوب أو دي جر أو مجرور تخي بيان سوفا متى يذهب إلى المصنع نعم يذهب في الساعة والنصف نعم يرجع من هناك très bien ومتى يرجع من هناك يرجع في ساعة الواحدة لا الواحدة نعم يرجع في الساعة الواحدة ونصف أو الثانية très bien يذهب إلى مصنع مرة أخرى بعد الظهر نعم أي يذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر شو لا يذهب بعد الظهر يجلس هنا في مكتبتي بعد الصلاة العصر يجلس هنا في مكتبه يا تجي مكتبتي تو تجي مكتبي طيب جيكم مرة بارك الله فيك كم عاملا يعمل في مصنعكم مصنعنا ليس كبير بكبير يعمل فيه 125 عاملا ومهندسان نعم شباب الساعة الآن 9 إلا ربعا وما رجع أبوك très bien لعله يرجع اليوم متأخرا des mots pas compris مصنع الانتربريز ها مصنع في الانتربريز مرتان ابري لي فوا مو داير مره اخرى اون اوت فوا طيب سي بون طيب بسم الله لي فرير الدرس اليوم حول الفعل المضارع طيب الفعل واقسامه en ce qui concerne le verbe on en avait parlé un petit peu le verbe il est décomposé en trois on a الماضي قد اخذناه الحمد لله والان سناخذ المضارع ثم الامر طيب فالماضي من يذكر تعريف الماضي كي سوبيان تفضل لا قبل ما دل على معنى في نفسه ouais. لا يا بان مال يا بان مال واقترنا بزمان في الماضي مفهوم سير الماضي سي كوا سي اون اكسيون كي سي برودويت كان avant qu'on ait parlé مفهوم quand tu dis ذهب متى هذا في الماضي او passé مفهوم هذا alors que le مضارع التعريف يديز بارك الله فيكم ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان يحتمل الحال والاستقبال ما معنى هذا بارك الله فيكم c'est-à-dire que le مضارع c'est-à-dire soit ce sera un futur présent c'est-à-dire في الحال c'est-à-dire maintenant ou quand tu vas lui ramener un indice ce sera quoi le futur lointain ou proche هذا معنى vous avez compris ça je vais répéter inchallah طيب ils disent التعريف ما دل على معنى c'est-à-dire ça signifie quoi ça signifie une chose في نفسه مقترن جوان de quoi بزمان يحتمل يحتمل معنى il y a une probabilité c'est quoi imma fi al-hal c'est-à-dire quoi al-hal c'est-à-dire dans l'état présent ou al-istiqbal c'est quoi hada ma'na le futur mafhoum c'est pour ça que on va voir inchallah al-mudhara' imma marfou' imma mansoub imma majzoum et nous on va commencer par quoi barakallahu fikoum avec al-marfou' vous avez compris ça et ça il y a qu'avec al-fi'l al-mudhara' al-madhi kama ta'lamoun toujours dhahaba qatala أكلا إلى آخر أما المضارع تجيغا يذهب زيد مفهوم لن يذهب زيد زيد كي لن نترمينيزون لم يذهب زيد مفهوم لوسي لن نترمينيزون مفهوم هذا إذن المضارع إما مرفوع إما منصوب وإما مجزوم مفهوم إنوس كي نو كونسيرن سيكوا المضارع المرفوع سي كومبريس إن شاء الله طيب Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et en ce qui concerne, par exemple, yahtamil al-hal ou l'istiqbal, et ça également, on va le voir tout doucement. T'as vu ? Et nous, aujourd'hui, on va commencer à parler de quoi ? Du mudara alladhi fil hal. La qultu laka akulu. Vous me suivez là ? Si je vous dis je mange ou je vais manger, t'as vu ? C'est-à-dire quoi ? Soit maintenant ou dans un petit moment. C'est compris ça ou non ? Hada ma'na yahtamil al-hal ou l'istiqbal. Mais si je vous dis ça akul. Là, il y a quoi ? Il y a un indice qui vous dit quoi ? Que ce n'est pas maintenant que j'ai mangé, dans un petit moment. À cause du quoi ? À cause du signe. Mais faut mal. Et il y a un autre indice qui va encore plus loin, c'est quoi ? Saoufa akul. Ou saoufa ou safir. Le saoufa, il dit c'est encore quoi ? Plus lointain. Vous avez compris ? Alors là, ce n'est pas le hal. Là, on a un indice qui nous permet de savoir quoi ? Que saoufa, c'est quoi ? C'est plus lointain. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah ? Taïb. C'est-à-dire, si je dis par exemple à un frère, af'alou, mada yahtamoun huna, al-hal ou l'istiqbal ? Al-hal. Taïb ? Mais si je ramène une qarina pour dire je fais, et ce sera un peu dans un petit moment, je dirais quoi ? Ça af'alou. Nous faisons mada ? C'est-à-dire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, et il a akhir. Si tu veux le conjuguer comme ça. C'est bien compris ça ? Tout le monde a compris ça, Inch'Allah. Si tu n'as pas compris, me demande. Hein. Alors, quand je dis je fais, ça veut dire quoi ? Ça peut être maintenant ou dans un petit moment. Le fond ? Et le mudara, comme le madé, il a quoi ? Il a des alamat. Il a un signe. Qui suivient alamat al madé, Daoud ? Al madé, al madé. Ah, le madé. Le ta, ta'anith. Ta'anith. Le fond, on a dit quoi ? Alamat al madé, et ta'anith, khas bil fi'l al madé. Dhahabat. Tu le trouveras ni dans le mudara et ni dans l'amr. Mais fond, également, la deuxième alama, al-fa'al, comme quoi dhabtu, dhabta, dhabti. Mais fond, al-fi'l al-madi, là où alamat. Eh bien, al-fi'l al-mudara, aïdan. Quand tu trouveras le sin ou le saufa, ou l'am, sache que c'est un verbe au mudara. Ça adhab. سوف اذهب لم اذهب devant toi quel verbe que tu as مضارع ou لن اذهب مضارع tu pourras jamais dire regardez bien ça ذهب qui peut répondre pourquoi on peut pas dire ça Othman ça ذهب normalement celui qui a compris bien le marvé et celui qui a compris ce que je viens de dire inchallah il peut répondre Pourquoi je ne peux pas dire ça dahaba ou ça ou fa dahaba? Qu'est-ce qu'il est mentionné? À voix haute, pour tout le monde profite. Ça et ça ou fa, c'est des alamènes qui prouvent que ça va se passer dans les temps futurs. Ouais, c'est bien, mashallah. Et après? Et ça, c'est du passé. Dahaba, il est passé. Ahsant. Barakallah fik. Vous avez compris là? Tu t'en as khod. Sain et ça ou fa, alamat l'istiqbal. Le fond? Et dahaba, c'était quoi? On a dit? Fial fil madi. Tu peux pas dire à quelqu'un, je vais, il est parti. Là. Vous avez compris ça? C'est pour ça que sin et saufa min alamat al-mudara. C'est-à-dire, toi demain, quand tu vas lire un verset ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un texte, si tu vois le sin qui n'est pas du verbe, comme sajada, faut pas me dire après c'est mudara là. Attention les frères, il faut que tu sois daki aussi. Il n'y a pas de verbe à deux lettres. T'as sajada, c'est hein, le sin, il est du verbe. T'as vu, inshallah, et après il restera quelque chose également. Tu ne trouveras pas comme ça directement. T'as vu, c'est-à-dire, si tu trouves un verbe précédé du signe et du saoufa, devant toi tu sauras que c'est quoi? Du mudara, même s'il n'y a pas le tashkil. C'est compris ça, Inch'Allah? Taïb. Après, il nous reste quoi également? Maintenant, le fi'l mudara. Barakallahu fikoum. La différence avec le fi'l du madhi, au niveau de quoi? De la conjugaison, on va lui rajouter une des quatre lettres en début de verbe. On va prendre par exemple dahaba, car c'est le plus facile. Dahaba, soit devant il y aura Hamza, ou Nun, ou Ya, ou Ta. C'est pour ça, dans des livres de Nahu, ils mettent quoi? Aneitu, pour vous faciliter. Je répète, Al-Hamza, ou Nun, ou Al-Ya, ou Ta. Ça veut dire, tu verras toujours, Barakallahu Fikoum, une des quatre lettres toujours devant le verbe. Mais Fomada, qui a pas compris ce que je viens de dire? Abdelmajid, c'est bien compris? C'est vrai, hein? Et toi? Othman, bien compris? Taïb. Il nous reste maintenant une autre chose. Le fait qu'on rajoute une de ces quatre lettres-là au verbe, en début de phrase, il nous reste maintenant la fin du verbe. Dahaba, il était comment? Maftouh. Maintenant, au mudhari, on a dit, il est quoi? Marfouh. C'est ça qu'on va commencer à étudier, marfouh. Alors, si je mets... Si tu me parles de toi, tu me conjugues dhahaba ou mudara, tu diras comment? Adhabu. On a rajouté quoi? Al-hamza. Le fond? Et on a fini quoi? On a mis quoi? Indamma. Adhabu. Le fond, mahada, inshallah. Ça veut dire que maintenant le verbe, il se retrouve avec une lettre en plus, qui n'est pas du verbe en lui-même. C'est compris ça? Et ça, ça fait partie une des quatre alamates également, que devant toi, c'est un verbe ou mudara. Attention! Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est une lettre en plus du verbe. Car il peut s'avérer que tu trouves un verbe, il a une de ces lettres-là. Vous avez compris? Comme akala. Ne dis pas que c'est du mudara. Limada. La nun hamza min al-fi'l. Me foum, nashara. C'est un nun. C'est vrai ou non? Le nun, il est du verbe. C'est compris ça? Alors tu vas trouver certains verbes avec ces lettres-là, mais qui sont des lettres de base du verbe. Comme akala, nashara. Avec le ta, Allah alam, taïb. Mais faut, avec le ya, ya isa, par exemple. Tu vois? Et celui qui avec le ta qui nous le donne. De tête, là, j'ai pas. Taïb. En tout cas, vous avez compris là ce que je viens de dire? Tout le monde a compris? Alors on répète, barakallahu fikoum. Al-mudhara, ça, c'est quoi? C'est une action, soit au moment où on parle, ou soit dans un petit moment, ou dans un moment plus lointain. Mais faut? Mais sinon, s'il n'y a pas d'indice, ce sera quoi? Al-ihtimal al-hal. Après, si on veut que ça soit un peu plus lointain, on dira quoi? Sin, ça adhab. Si c'est plus loin, on dira ça ou fahadab. Ça, inshallah, même si vous ne l'avez pas compris maintenant, ça va bientôt venir. Un instant. Taïb? Comme ça, j'enchaîne. Taïb, inshallah, les frères? Et on a dit que ça, c'est quoi? Min alamat al-fi'l al-mudhara. Ça adhab, ça ou fahadab, lam adhab. Mufoum? Ou lan adhaba. Ces quatre choses-là, tu sauras que devant toi, c'est un verbe ou mudhara. Mais le fait qu'on a mis sin et saoufa, est-ce que c'est la probabilité, c'est maintenant ou c'est plus tard? Plus tard. Après, il nous reste quoi, barakallahu fikoum? Le fait qu'on a rajouté une des quatre lettres en plus du verbe de base. Quelles sont ces lettres? Al-Ali, c'est-à-dire avec l'hamza, Nun, Al-Ya, Wata. Akala. Comment? C'est demandé. Non, le hamza ici. C'est quoi? Il est du verbe ou il est en rajout? Il est du verbe. Me fomada? Nashara. Il est du verbe. Me fomada? Et après là, le verbe qu'on est en train d'étudier, c'est quoi? Mudara al-marfou'. Tu as vu, tu dis adhabu, nadhabu, tadhabu, ila akhir. Tu as vu? C'est-à-dire, si tu conjugues par exemple af'alu, tu dis je fais. Taf'alu, tu fais. Taf'alina, tu fais. Ila akhir. Tu as vu? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce que tu voulais dire? Taraka. Voilà, c'est venu dans ma tête. Tu me l'as dit, c'est venu dans ma tête. Barakallahu fik. Taïf. Allah ybarak fik. Tout le monde a compris là? Hein? Taïf. Alhamdulillah, le fait que vous avez compris. Prenez la leçon 13. La leçon, vraiment la leçon. Dars Thalitha Ashar. On va lire le tableau. Taïf. Allah alim, serait été bien que l'auteur mette le tableau dès maintenant. Comme ça, après, tu fais quoi? Tu enchaînes avec les exercices. Taïb? Allah alim. Tu vois. Parce que si une personne, elle a bien appris le tableau, même pour le professeur, c'est plus facile après de faire quoi? D'enseigner, et même pour l'élève, de quoi? D'appliquer les exercices. Taïb? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le monde y est, Inch'Allah? C'est le même tableau que au mardi, alors que là on est quoi? Al-Mudara. Al-Mufrad, Al-Ghaib, Al-Mudakar. Hamidun Yadhabu. Tout le monde y est, Inch'Allah? Qui est? Tout le monde y est, Inch'Allah, les frères? Taïb. Comment on sait que c'est du Mudara, ya Mohamed? Ya. Ya lien. Pourquoi? Ça ne suffit pas juste le ya comme ça en tant que réponse. Ya Issa, il y a un ya. C'est rajouté au verbe de base. Ahsant. Également il est marfou. Marfou. Barakallahu fik. عندنا علامتان. Alia zaid ala al-fi'l. Mefhoum? C'est-à-dire que le ya il est quoi? En surplus du verbe. Mefhoum? Wa aydan al-fi'l marfou'. Wa alamat al-raf' huna ma hiya? Al-damma. Mefhoum inchallah? Barakallahu fikoum. C'est compris hein? Tafadhal. Est-ce que c'est une alamat le sukun? Quel sukun? Première lettre du verbe, le premier sukun. Non, ça n'a rien à voir. En tout cas, dans les livres de Nahu, il ne parle pas de ce sukun. Il parle de la première lettre en plus et la fin. Ça veut dire, si on parle d'un frère qui n'est pas présent, on dirait quoi? Hamidun yadhabu. Rakizu, hein? Taïb, Inch'Allah? Soyez attentif. Aminatu tadhabu. Taïb, entourez le ta ici. Vous savez pourquoi. Taïb, hein? Nous, on est en train de lire là le tableau numéro de la leçon 13. Hein. T'as, tout le monde y est? Aminatu tadhabu. Ici, il est le fa'al par rapport à ce qu'on a étudié, Mohamed? Aminatu tadhabu. Le frère dit c'est Amina. Andek. C'est pas sous-entendu hiya? Hiya, c'est comme quoi? Dahabat. T'as, certains ils voient ton avis. T'as, voilà. Qui disent Amina, fa'al, il a le droit de précéder le verbe. Mais nous, Amina, mubtada, tadhabu, taïf, fi'al mudara. Wa al-fa'al, damir mustatir, hiya. Wa al-jumla, khabar. Me fous ma'ada, inshallah. Taïf, tout le monde y est? Al-jam', pluriel. Hamidun, wa aliyun, wa hashimun, yadhabuna. Taïf, c'était quoi la règle ici? On avait dit, barakallahu fikoum, si le verbe est en début de phrase, tout ce qui vient après, le sujet peut être singulier, duel ou pluriel. C'est-à-dire, on aurait pu dire quoi? Yadhabu Hamidun wa Aliyun wa Hashimun. Comme au mardi. Dhahaba al-Muslimuna. Mufoum? Ou dhahaba mi'atu rajulin. T'as compris là? Mais là, le fait qu'il a été précédé par un groupe, le verbe il est obligé de suivre. Taïb, Inch'Allah? Rakkazou. Hamidun wa Aliyun wa Hashimun yadhabuna. Taïb? مفهوم إن شاء الله؟ السلام طيب آمنة ومريم وزينب يذهبن طيب سيبون إن شاء الله Al-Mukhatab, Al-Mudhakkar, Al-Mufrad. Anta, Tadhabu. Entourez le ta ici. Taïb. Al-Mu'anneth, Anti, Tadhabina. Mufum? Al-Mukhatab, Al-Mudhakkar, Al-Jam. Antum, Tadhabuna. Taïb. وأنتن تذهبن طيب تمودي سي بون المتكلم المذكر والمؤنث المفرد انا اذهب هنا انا مبتدا اذهب فاعل ضمير مستتر انا ونحن نذهب لا ميم شوز طيب pourquoi je vous ai demandé d'entourer ces deux là. Parce que si vous avez fait attention, Amina tadhabu, Anta tadhabu. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Sinon, vous pouvez trouver quoi ? Une confusion. C'est-à-dire, quand tu vas informer d'une sœur qu'elle est partie, tu diras tadhabu. Me font ? Et quand tu parleras à un frère, regardez bien, à un frère, tu diras Anta tadhabu. Tout le monde suit là ? Alors que si tu parles à une sœur, tu dirais quoi ? Anti tadhabina. Me font ? C'est pour ça que je vous ai dit entourez ces deux tas-là pour pas que vous fassiez une erreur. Parce que si vous ne l'apprenez pas par cœur, je suis sûr que parmi vous, Allah alam, vous allez commencer à mélanger. Alors tu dis Aminatou tadhabou. Me font ? Wa Zainab, wa Zaidoun, on dira Yadhabou. Vous avez compris là ? Zaidoun yadhabou, Aminatou tadhabou. Hada raib. Taïb ? Et si on parle à un frère, on dira quoi ? Anta. Tadhabu. Et aussi, on parle à une sœur. Anti. Tadhabina. Me faut madame, Inch'Allah. Taïb. On avait dit quoi également, barakallahu fikoum, les frères. Ici, si on regarde maintenant, on avait dit que le signe du mudhara, c'était une lettre en plus du verbe en début de phrase. En début du verbe. On a le ya. C'est vrai ou non ? Après, on a le ta dans la deuxième colonne. Tout le monde y est ? Après, on a encore le ta dans la troisième colonne. On a le ta dans la quatrième colonne. Et après, on a quoi ? Al-alif ma'al-hamza dans la cinquième colonne. Taïb ? Et après, on va à côté. Al-jam, on a quoi ? Al-noun. Taïb ? Il nous reste quoi maintenant ? La deuxième chose, c'est qu'était quoi ? Que le verbe mudhari', il est quoi ? Il est marfou'. Les signes du marfou', vous les voyez ? Yadhabu, damma. Aminatou tadhabou, damma. Anta tadhabou, ana adhabou. Tout ça est damma. Il nous reste quoi maintenant ? Regardez bien le pluriel. Regardez bien. Hamidoun wa Aliyoun wa Hashimoun yadhabouna. Ici, le signe du marfou, c'est le noun. Taïb, Inch'Allah, entourez ça. Taïb, je me suis dit, un frère, il allait me demander. Taïb. Voilà. Tout le monde a compris là ? Antoum tadhabouna. Pareil. Je sais pas si vous l'avez mis. Et donc par exemple, tu parles de quoi là ? Anna ? À moi, tu parles à moi ? Anta tadhabou ? Anta, derrière, la même chose, c'est Anta. Ouais, si tu viens vers moi, tu me dis Abdelrahman Tadhabou, j'ai compris. T'as pas besoin de dire Anta. Ça, c'est après, ça, c'est pour que t'apprennes à savoir à qui tu parles. Anta Tadhabou, Anti Tadhabina. Mais si je viens par exemple vers ma petite soeur ou une fille, je lui dis Hal Tadhabina, je lui dis Hal Anti Tadhabina. Là, là. Là, il veut que t'apprennes comment. Écoute, le khitab, comment tu apprends à parler ? Mais t'es pas forcément toujours de ramener Anta tadhabu, Anti tadhabu. Là, moi j'arrive vers vous, je vous dis tadhabuna ila al masjid, tadhabuna al-an ila al-janaza, antum tadhabuna. Là, mais c'est pas une obligation. Taïb, Inch'Allah ? En tout cas, vous avez compris là ? Taïb ? On a dit quoi alors ? Ici, le noun. يذهبون أنتم تذهبون علامة الرفع. On a dit c'était quoi ? النون. Tout le monde a compris, Inch'Allah. Alors, apprenez bien ce tableau-là, Inch'Allah. S'il est bien appris, demain, on fera que de la lecture. Ce sera quoi? Pour bien conjuguer ça. Taïb, Inch'Allah. Il a huna. Voilà. Quelqu'un a une question par rapport au fi'l mudhari? Ah, il y a des cassettes. Parce que moi, j'ai quelque chose à vous dire. Tu restes pour ça. J'éteins. Après, je vais éteindre.